ton rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bandit à la planète et la familia. J'espère que vous allez bien. 7h02 du mat, on est pas mal dans les studios de la radio. Il fait bon. Je suis arrivé avec la clim. Ça caille un petit peu. Hein. Aujourd'hui, bah, les températures sont plutôt douces au lever du jour. Ouais, on va frôler quand même les 19 degrés. Ça fait du bien avec un petit peu d'humidité, quelques brouillards. Hein, mais ça va. Cette semaine va être ensoleillée. Avec des nuages, pas de pluie prévue au programme, à part samedi un petit peu. En tout cas, on vous souhaite une belle journée. C'est Radio Arc-en-Ciel, on est en direct. Il est 7h du matin. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Thank you. plaisir d'en trouver sur les ondes Radio Arc-en-Ciel 96 de FM, 7h08 en direct, avec cette belle reprise par le DJ Kigo. Et ouais, aujourd'hui, reprise du taf, hein, pas facile, mais courage à vous, on est là pour vous donner le rayon sous le sol. Elena Cortez qui arrive. Appelle le 02 38 43 48 00. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Chance and le meilleur des souvenirs, 7h15 avec les Brothers Johnson. Courage à vous si vous allez au taf aujourd'hui. Bah ouais, pour prendre, hein. Côté météo, ça caille un petit peu ce matin, 6 degrés, mais journée plutôt agréable, on va dire, dans l'ensemble. Et cette semaine, la bonne nouvelle, c'est que le soleil sera là quasiment toute la semaine. Voilà, des bonnes nouvelles pour bien vous réveiller ce matin. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. On est là jusqu'à 9h, ça c'est sûr, avec le Rayon du Sol, Master Jack avec Jajao, et puis mon ami Benoît Billard, la bande FM du Loiret, qui est passé nous faire un petit coucou, ça me fait plaisir. Allez faire un petit tour sur son site, vous allez voir, la bande FM du Loiret. Si vous voulez rappeler des bons souvenirs de radio, eh bien, c'est chargé, c'est bien, en émotion. 7h16 avec Master Jack, belle journée et bon réveil. Quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby, era só janjão. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby, era só janjão. Tu dizias que me morras, que me adoras, baby, era só janjão. Quando tu dizias para pedir a tua mão, e o que faço eu se não ganho o teu carinho? E o que faço eu? Honesta não, muito menos franca. E tamanha hipocrisia tu tens. Nada a ver com Pedro, mas pensaste nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de Bing Lê. Vou tirar o pé, já se perere. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão. Princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço, eu não mereço. Je sais pas quelle origine il est, Master Jack, je vais aller voir. Avec Jajao, courage à vous si vous allez au taf ce matin. Bah ouais, hein, je vous l'ai dit, côté météo, on va avoir une belle semaine. Ça fait du bien, on s'est tapé de la flotte là, et ben voilà, le retour du soleil. Et puis notre invité du jour, je vais vous en parler tout de suite. Hein. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Non, c'est pas maintenant, il sera là tout à l'heure vers 8h, 8h15, et je vais vous dire, j'ai un futur champion, peut-être, hein, peut-être un futur champion du monde de triathlète qui sera là. Il s'appelle Thomas Rucheton, il sera fin août 2023 en Finlande pour les championnats du monde de triathlon, et ça va être du lourd. Hein. Je peux dire, là, il y a du sportif du haut level qui va arriver tout à l'heure, et ça va me faire plaisir de le recevoir, qualifié pour les championnats du monde, deuxième place, et fin 21 août en Finlande 2023. Et il va nous raconter un petit peu son parcours, son histoire. Pourquoi le triathlon? Pourquoi est-il fan comme ça de sport? L'Ironman sera peut-être avec nous tout à l'heure. J'espère qu'il arrive en courant. Ben, j'espère. En tout cas, il arrive de pas très loin, je crois. On va regarder la ville. J'ai plus la ville en tête. En tout cas, on vous souhaite une belle journée. Mon ami Benoît qui est dans les studios, ça me fait plaisir. Aux photos avec lui, la bande FM du Loiret. Ça me fait vraiment plaisir quand il vient me voir le matin comme ça. Emigrante del Mundo, ça arrive. Votre pote Lucenzo, c'est sur la console. Belle journée et courage pour le taf ce matin. Bah ouais, il faut y aller, allez. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. On a du mal le lundi matin à parler. Hein. Bah ouais, bouge toute pâteuse, le week-end on a fait la fête, on est là. On est là en tout cas pour vous sortir du lit ce matin et vous emmener au bureau avec Lucenzo. Émigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Émigrante del mundo, amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Émigrante del mundo, latino-américano, cubano, también Colombia, Venezuela. Émigrante del mundo. Lucenzo représente. Pourquoi moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Moi j'ai compris ce qu'il me faut, c'est immigranté. Défends tes origines avec une marque de qualité. Lucenzo MC bilingue comme des millions. Balance des phrases et mon phrasé te touche dans le million. On est tous d'accord, mon frère, voilà une bombe de marque. Une occasion de représenter, donc Lucenzo débarque. Affirme-toi où que tu sois, n'oublie pas tes racines. Latino forever, fier de ses origines. Émigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Émigrante del mundo, amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Émigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Émigrante del mundo, Lucenzo representa. Pourquoi moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. C'est bien fini l'époque, lusitano. Mais je m'en fais pas, je reviens plus fort qu'avant, plus rien ne m'a pas. Mais où me vis, je viens représenter. Pour les latinos, pour la marque émigrante. Émigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Émigrante del mundo, amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Émigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Émigrante del mundo, Lucenzo representa. Pourquoi moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Émigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Émigrante del mundo, amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Émigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Émigrante del mundo, Lucenzo representa. Pourquoi moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Émigrante del mundo, somos inmigrantes, represente el país de tu corazón. Émigrante del mundo, somos inmigrantes, represente el país de tu corazón. Émigrante del mundo, somos inmigrantes, represente el país de tu corazón. Émigrante del mundo, somos inmigrantes, represente el país de tu corazón. Retiens le message, c'est Lucenzo pour Immigrante 2006. Émigrante del mundo, émigrante del mundo, émigrante del mundo, émigrante del mundo. Votre réveil matin, c'est Francky. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets ma vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours tout bleus comme tes peines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour te porter en croix. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés, écrits comme à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent, et même si notre histoire se termine en mode, je te promets mon monde de fièvre et de douceur, pas toute la nuit, mais C'est Francky dans la radio, on est là, on est bien installé dans les studios, puis ça me fait plaisir. Mon ami Benoît Billard qui est venu me voir, la bande FM du Loiret. Comment il va ce matin, Benoît? Bah ça va bien, j'ai réussi à me lever. Ouais, souvent tu m'as dit je passe, mais le réveil n'a pas sonné malheureusement. Et aujourd'hui, t'es venu nous voir et ça me fait plaisir. Depuis toutes ces années, on est un peu amis, on va dire, dans la vie. Hein, ouais, tout à fait, ouais. Fan de radio, fan ouais. depuis des années, on en parle régulièrement avec toi quand tu passes nous voir pour on va faire un petit tour pour ceux qui te connaissent pas, qui arrivent qui vont au boulot ce matin. Oui. La bande FM du Loiret, c'est quoi, Benoît? C'est un site qui retrace toute l'histoire des radios dans le Loiret. Ah là là, les vieilles radios. Les vieilles radios. Marie Poppins. Voilà, Radio 5. Que tu connais très bien. Arc-en-ciel que je connais bien. Bien sûr, et Radio 5. Radio 5 où j'ai travaillé quand j'avais 88, donc j'avais à peine 17 ans. C'était hier. Ah. J'y allais en bus de la Semtao. Ah, il y avait encore les tickets, ça allait clac, clac dans le bus. Il y avait plein de trucs par terre. La ligne G qui allait à Saint-Jean-de-Bray. Ouais, et je m'arrêtais au château des Longues Allées avec mon gros sac plein de disques, parce qu'à l'époque, on emmenait nos disques aussi, nous, pour faire découvrir aux auditeurs les nouveautés, entre guillemets, hein, c'était ça. Et c'est des bons souvenirs, ça, les radios FM qui faisaient vivre un peu. Tout parce que vrai. Maintenant, ça a changé maintenant. Mmh. Hein. Les radios, c'est carrément... C'est de la pub maintenant. C'est de la pub, ouais. Et malheureusement, ouais. C'est malheureux, hein. Ouais. Et il faut être honnête, hein. Nous, sur Orléans. C'était mieux avant, on peut le dire quand même. C'était mieux avant. Ouais. Bah, nous, on est resté un petit peu avant quand même, faut dire. Ouais, ouais. Sur Orléans, on est la seule radio, je crois, où on a libre antenne, où on peut passer un peu ce qu'on veut comme musique. On a des chartes, bien sûr, à respecter. Notamment au niveau de la pub, hein. On peut pas faire de pub. Mais, par contre, on est un peu libre. Ça, c'est bien. Ouais. C'est libre antenne, nous, un peu. Comme le matin, comme l'après-midi, comme le soir. Et toi, donc, fan depuis toutes ces années? Depuis, tout à fait, depuis tout gamin, donc je... Mais comment ça arrive, ça, d'être fan de radio, de collectionner les pins, les autocollants, et puis t'en as, T'en as un camion entier, je veux dire. Ça commence à prendre de la place, tout ça. Ça prend de la place, ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu tries, tu archives, tu postes plein de trucs. Ouais. Bah là, je suis en train de préparer les 10 ans de mon site Affiche Radio. 10 ans? 10 ans, le 1er novembre, ouais. En plus, c'est bien parce que ça te permet d'avoir des accès un peu partout. Tu te balades à Paris, tu vas sur RTL, Énergie, etc. Moi, je balance des radios, c'est pas grave. On a le droit. On peut balancer, On peut balancer, mais c'est bien de voir des grands médias comme ça. Ouais, tout à fait, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Découvrir ces grandes radios, ouais, quand même, ouais. C'est de la reconnaissance pour tout le travail que je fais, quoi. Et justement, je voulais t'en parler, ils sont reconnaissants, les gros groupes de radio comme RTL. Ouais, par chaque exemple. Fois qu'ils ont besoin de moi pour avoir des archives ou quoi que ce soit, qui t'appellent. Des documents, qui m'appellent, qui me contactent. Déjà, rien que ça me fait plaisir parce que mon travail, au moins, il est récompensé, il est connu. Ouais. Et quand je vois les centaines et les centaines d'heures que j'ai pu passer sur ce site depuis 10 ans, ouais, c'est. Ça fait plaisir. J'ai reçu vraiment les bras ouverts. J'ai jamais eu de reproche à leur dire ou quoi que ce soit. C'est super. Et jamais l'envie d'être de l'autre côté du micro. Là, t'es un peu la face cachée de la radio. Ouais. Te dire un jour, bah tiens, je vais prendre un micro, je vais faire une émission en moi qui serait consacrée aux radios qui n'existent plus, par exemple, en France ou à l'étranger. Oui. Non, l'étranger, non, tu fais pas les radios étrangères. Suisse et belge. Suisse et belge, d'accord. C'est déjà pas mal. Oh. Suisse, c'est tranquille, là, sous les ans. Bon, on y va tranquille. Les Belges, une fois aussi, là, avec la frite, là. Non, mais c'est vrai, jamais l'envie de faire de la radio, de prendre le micro, d'avoir une petite émission, ne serait-ce, je sais pas, une petite heure. Tiens, sur Arc-en-Ciel, tu pourrais le soir ou le soir, dire, tiens, les radios qui n'existe plus, et puis avoir des anecdotes là-dessus, ça serait sympa. Ça serait sympa avec des invités, ouais, mais faut avoir le temps. J'ai le boulot qui me prend pas mal de temps, plus mes. Moi, je peux te brancher avec la radio si tu veux. En plus, on cherche des animateurs. Ouais, j'ai mis ça. Photo, tu vas le poster sur ton site. On cherche des animateurs en radio si vous voulez de la radio arc-en-ciel faire partie de cette grande famille depuis 34 ans, je crois, la radio, à peu près. 86, il me semble, donc plus. Ah ouais, on est des vieux maintenant. Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous ce matin au petit café. Bon, moi aussi, merci pour ton accueil, comme toujours. Bah, comme d'hab, tu viens, tu sonnes, t'as que le VTT, il est en bas, tu rentres. Hein. Et toi, tu es sportif aussi quand même, tu reprends le sport là. Ouais, j'ai repris samedi, ça y est. Ouais. Bah, justement, en parlant de sport, il s'appelle Thomas Rucheton. Il est qualifié pour les championnats du monde fin août en Finlande en 2023. C'est énorme, hein, triathlon, triathlète. Vélo, course, nage, le mec il bat des records. L'Iron Man, il sera notre invité aujourd'hui. Il arrive de Marcy-en-Villette, je crois, si je me trompe pas. Ça faut le faire. J'ai vu une fois le triathlon d'Embrun dans le Zap. Ouais. L'un des plus durs au monde, d'ailleurs. J'ai vu une fois les gars en train de la monter à l'école et puis bravo, je retire mon chapeau. Et là, il s'est qualifié cet été au mois d'août en Allemagne. Hein. Attention, Allemagne. C'est des costauds les mecs. Je connais. C'est des nageurs, ils veulent pas les mecs. Ils font 1m90 les plus petits. Ils font. Ils bastonnent dans les mecs. Hein. Jawohl, du bist ein schöner Fräulein. Avec la BRM. Avec la binouse. Et je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Il faut pas en abuser. Évidemment. Et ben, merci de passer ce bon moment avec nous. Après, tout à l'heure, tu rentres à tes affaires. Hein. Fan de radio, il est avec nous. Il nous accompagne ce matin Benoît Billard, la bande FM du Loiret, ça me fait vraiment plaisir. Tiens, un petit truc à l'ancienne. Tu connais le film là? Bien sûr. Tout le monde le connaît. Belle journée, merci Benoît. Merci Francky. soleil ce matin, la météo, eh bien on va faire un petit point. Le ciel est dégagé aujourd'hui, ça fait du bien au moral, ça c'est vrai. 7h38 en direct. La météo. La météo, puis merci d'être aussi nombreux tous les jours à nous écouter. Ça nous fait plaisir à l'heure française 96.2 FM. Côté ciel ce matin, ça va, c'est plutôt correct, on va dire. Hein. 8 à 9 degrés au réveil. Débrouillard un petit peu aujourd'hui. Ça va être très nuageux. Mais normalement, cette semaine, le soleil devrait être là avec quelques nuages quand même. Mais les températures sont plutôt pas mal aujourd'hui. Jusqu'à 18, voire 19 degrés. Anita, la brésilienne qui arrive. Un revolver. Et ça, vous adorez sur Radar Arc-en-Ciel. Belle journée et bon courage pour la reprise aujourd'hui. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo para ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. Mere tú, soy yo. I don't really wanna fight anymore. I don't really Sandy, Demi Lovato et Chamé la Culpa. 7h44 minutes. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Il est d'Orléans, il s'appelle Alex Le Bail et vous l'adorez. Il est souvent à la radio et puis il prépare un nouvel album, c'est énorme. Il a bossé avec Indochine. Voici le son d'Alex Le Bail sur Radio Arc-en-Ciel. Hier, je t'ai croisé dans la rue. Ton bras m'a frôlé, presque nu. Vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Comment m'ouvrir à ce désir de dévoiler un jour notre avenir? I can't explain, but I will find a song again. Votre réveil matin, c'est Francky. Partout, on garde cette blessure. Cette chanson pour Daniel Balavoine qui malheureusement nous avait quitté en 86 dans le Paris-Dakar. France-Galles, évidemment, on est là jusqu'à 8h. C'est Francky de la radio. Belle journée et bon réveil. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky dans la radio et l'invité arrive, Thomas Rucheton. Alors là, je veux dire, c'est la star, hein, ouais. Iron Man, il est là, qualifié pour les championnats du monde. Ça sera fin août en Finlande. Je peux vous dire, il y a du sportif là, rien à voir avec moi. Benoît aussi, il est sportif, il est avec nous, toujours la bande des femmes du Loiret, de grands sportifs. En tout cas, on va parler de ce beau parcours de Thomas Rucheton dans quelques minutes, ce sera à 8h en direct. Et puis le son Latina qui arrive, El Rayo del Sol Despacito, forcément celui-là, le disque qui donne mal aux oreilles encore. Belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Il arrive, Thomas Rucheton, dans moins de 6 minutes. Et là, on va faire du sport ce matin, ça va vous faire du bien un petit peu. Bah ouais, vous allez perdre quelques kilos en direct 96 de FM. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Mais vous savez que l'hiver va arriver, hein. Bah déjà l'automne, c'est très bien, ouais. Mais le SAMU social, justement, lance un appel aux dons pour des couvertures pour les personnes, malheureusement, qui sont encore en 2022 à la rue. Vous pouvez les déposer au 69 bis rue des Anguignes à Saint-Jean-le-Blanc. Alors c'est le lundi au jeudi de 9h à 12h30. et le vendredi de 9h à 12h30. Donc n'hésitez pas, ils font un appel aux dons, c'est le SAMU social. Et c'est à Saint-Jean-le-Blanc, 69 bis rue des Anguilles. Si vous avez des couvertures chez vous, eh bien allez les déposer au SAMU social. Belle journée sur l'arc-en-ciel. James Blunt qui arrive, Lucenzo, et on aura aussi Kinvey avec un métier sérieux. On est en direct, il est bientôt 8h, notre invité qui arrive dans moins de 5 minutes, Myriam Evina. Salut au passage ce matin. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Hop, hop, hop, là, je suis parti. Et là, pas n'importe qui est là ce matin, et ça me fait plaisir de le recevoir. Thomas Rucheton, grand sportif, triathlète. Je sais pas si on dit comme ça. Bonjour, Thomas. Bonjour, oui, c'est ça. Triathlète. Triathlète, c'est impressionnant quand tu dis ce mot quand même, hein. Oui, oui, oui. Moi qui fais pas beaucoup de sport, enfin qui fais plus de sport, j'en ai fait quand j'étais jeune. Enfin, je dis pas que je suis vieux, mais c'est vrai que maintenant le sport, j'ai un peu laissé tomber. J'ai un champion du monde peut-être face à moi. Alors peut-être pas champion du monde, mais qualifié pour les championnats du monde. Ah mais cas. Peut-être ça se trouve, hein, t'as on, vu. On donnera tout pour. Moi je vends la peau de l'ours avant de l'avoir acheté comme on dit. Thomas Rucheton qualifié pour les championnats du monde, ça sera fin août 2023. Tu t'es qualifié, c'était cet été au mois d'août, tu es arrivé deuxième, c'est ça dans ta catégorie. Oui, la course a eu lieu fin août à Duisbourg en Allemagne. Et donc dans ma catégorie d'âge j'ai fini deuxième et les cinq premiers se qualifient à chaque fois. Et là tu me dis en Allemagne, j'imagine la taille des athlètes là-haut, c'est quoi, c'est 1m90 un peu comme toi, t'es super grand. Des armoires à glace. Des armoires, ouais. Voilà. Est-ce que ça a été compliqué aujourd'hui? Comment on se prépare avant un triathlon comme ça en Allemagne avec des bêtes, on va dire, des bouchées du sport? Alors en termes d'entraînement, c'est environ 10 à 15 heures par semaine d'entraînement qui allie donc les trois disciplines. Ah ouais, quand même, ouais. Oui, oui, natation, vélo, course à pied. Mmh. On y ajoute aussi les étirements, le renforcement musculaire. Mmh. Voilà, j'ai un entraîneur qui me suit depuis 2 ans, donc Maxime Porras, qui est un athlète assez reconnu au niveau national, ouais. Et qui me suit et qui fait un programme vraiment pour moi, adapté à mon spécialement programme. Voilà. Adapté pour toi, un programme qui engendre tout, la nourriture aussi, c'est important. Ah, la diététique. Il y a pas de burger chez toi. Ah si, après les compétitions, ah, pour oui. Décompresser, mais oui, le sommeil, la nutrition, tous les à côté sont hyper importants. Ouais. On vit triathlon. C'est tout ça, c'est tout ça qui fait que on arrive à gagner des médailles et à gagner des places. Là, tu es arrivé deuxième cet été, c'est ça? Oui, donc deuxième sur environ 270 personnes. Ah, oui. Dans ma catégorie d'âge. Au classement général, 18e sur 2100 personnes au départ. Quoi. Ah ouais, quand même. Bravo, hein, bravo. Là, j'ai vraiment un champion face à moi. Triathlon. Alors, c'est quoi ton sport préféré, toi, sur à part le triathlon? Tu crois plutôt foot, tennis, basket? Oh. Alors, moi, je viens du basketball à la base. Oui, ça se voit. J'ai fait ça pendant 20 ans. Ouais. Ensuite, en parallèle, je faisais un petit peu de natation. Mmh. Et donc, je viens essentiellement de la natation. Donc, ma discipline de prédilection dans le triathlon reste la natation. Triathlon. Alors, il y a vélo, course et natation, c'est ça? La natation d'abord. Natation, ah. Vélo, puis course à pied. D'accord. Donc, je prends dans l'ordre. Natation, tu es fort dans quoi, toi? Le plus fort, c'est quoi? Natation? Alors là, en triathlon, on nage en crawl, uniquement. Voilà, enfin, là, c'est la nage la plus rapide. Moi, j'ai la brasse, moi, tu sais, sur le côté, là. Oui, comme dans la nage indienne. La CETEC compagnie. Voilà. Et toi, où tu gagnes le plus de points, ça serait quoi? La natation? Oui, la natation, disons que ça me permet de sortir de l'eau devant et donc ensuite pouvoir accrocher en vélo les meilleurs cyclistes. Ouais. Donc, moi, le vélo reste encore mon tendon d'Achille, on va dire. Ah ouais. Pas trop fort sur le vélo. Bon, les performances. T'es pas Bernard Hinault, quoi. Non, pas prêt de faire le Tour de France. Non. Alors, comment ça se passe un triathlon? On démarre avec quoi? Le vélo, la course, je sais pas. La natation d'abord. Donc natation, là, l'épreuve à Duisbourg, c'était 1 km 900 de natation. Ah oui, quand même, ouais. Voilà. Ensuite, donc, on fait une transition rapide, on se change et on part pour 90 km de vélo. 90 bornes? Oh la vache. Ah ouais, quand même. Oui, voilà, c'était un parcours assez plat, donc assez rapide. C'est ce que tu disais, toi, t'es plus dans le plat. Hein. Oui, oui, oui. Les parcours avec du dénivelé, tout à l'heure vous parliez du triathlon d'Embrun, je pourrais le terminer sans souci, ce triathlon, mais je serais pas performant, quoi. Ouais, je voyais que c'était là, donc t'as eu des petits problèmes de courbature ou de... Oui, dans la préparation. Dans les 20 minutes, au bout de 20 minutes, c'est énorme. Quand même. Oui, dans la course à pied, ouais. j'ai eu les ischio-jambiers, quelques soucis aux ischios pendant au bout de 5 km de course à pied, donc il a fallu ensuite gérer puis tenir au mental jusqu'à l'arrivée du semi-marathon. Et là, comment ça se passe alors? T'as quelqu'un qui te suit et qui t'aide moralement, physiquement Alors là, sur la course, je me suis déplacé tout seul, mais fin mai, lorsque j'ai fait l'Ironman de Carcan, donc dans le sud-ouest, j'avais toute ma famille qui était présente, donc on se raccroche un peu à eux aussi en mentalement en disant allez, je donne tout pour eux et puis aussi pour moi évidemment. Là ça va être quelque chose d'énorme au mois de août 2023, c'est en Finlande. Il va y avoir des bêtes de guerre, je pense. Au départ, donc moi je suis qualifié dans la catégorie amateur, ce qu'on appelle groupe d'âge, mais il y a aussi les professionnels du triathlon qui seront présents, donc les tout meilleurs mondiaux seront là le même jour sur cette course là. Ouais, impressionnant. Oui, oui, oui. Ça, les côtoyer, ça va être génial. Ça va être génial. T'as moins d'un an pour préparer justement ce triathlon. On oui. se prépare comment? Est-ce que tu bosses à côté, je suppose? Oui, oui, je travaille dans une entreprise de métrologie à La Ferté-Saint-Aubin, DEM Métrologie. Donc j'ai la chance de pouvoir un peu adapter mes horaires de travail. Je peux me permettre d'aller nager le midi ou refaire d'autres séances le midi, prendre mes vacances en fonction de mon programme de course. Donc ça c'est parfait, quoi. J'ai les conditions nécessaires. À partir d'aujourd'hui, donc ça se passe comment les entraînements? C'est quoi, une fois par semaine, deux fois, trois fois, je sais pas. Alors, jusqu'au mois d'août 2023, jusqu'à la fameuse date. Alors un programme typique, c'est environ 2 à 3 séances de natation par semaine. Voilà, donc on nage à peu près 3 km par séance. Ensuite en vélo, 3 séances voire parfois 4 séances par semaine, sachant qu'on va pas, on fait pas que des séances tout le temps à fond, il y a aussi des séances de récup à côté. Et en course à pied, pareil, 2 à 3 séances par semaine. Voilà. Qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui dans ce championnat du monde en Finlande? Qu'est-ce que t'appréhendes? Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, en fait. Je trouve que c'est une finalité, c'était un objectif, et le but maintenant, c'est d'aller me faire plaisir là-bas. On parlait tout à l'heure d'être champion du monde. Je pense pas avoir la capacité de l'être, ni d'être sur le podium. J'aimerais bien, moi, même si tu n'y es pas, tu en as un nouveau, quand même. Oui, oui, oui. Mais voilà, le but, c'est de donner le meilleur de moi-même, et puis on verra ce qui se passe. Il n'y a pas d'objectif précis, si ce n'est tout donner, quoi. Tout donner. On va parler un peu de tes débuts, si tu veux. Comment on devient triathlète, triathlon, je sais pas comment on dit. Alors le triathlon. Ça t'est venu comment? Parce que tu dis je faisais du basket. Ok. Et puis quand un jour tu t'es levé, tu dis attends, je vais nager, je vais faire du vélo. Alors le triathlon, ça vient un peu de mon père, on va dire, qui a fait du triathlon. Donc moi j'étais jeune, je l'accompagnais sur les compétitions. Puis avec mon frère, on a pris le pli à un moment donné. On s'est dit, nous aussi, on a envie d'essayer. Ouais. Puis ça m'a plu, quoi. Donc sur mes premières années, j'avais pas de licence. Je faisais ça juste pour m'amuser. Donc j'ai pris ma première licence réelle de triathlon en 2015 à la SPTT Orléans. Ah, je connais la SPTT. Je les salue au passage, la SPTT. Ironman. Alors nous, on avait reçu Nordinatab, tu connais? Oui, qui était préparateur physique à l'OLB, c'est ça? À l'OLB, et puis il est sur France 5 aussi, dans le magazine de la santé. Il avait fait l'Ironman aussi, lui. Il se débrouille pas mal pour un petit gars comme ça. Hein. Oui, je crois qu'il court très bien. Il court très bien. L'avenir, tu le vois comment, toi? Après justement, on n'y est pas encore fin août là, en Finlande pour ce championnat du monde. Suite? Je prévois une grosse année 2023 parce que maintenant que j'ai acquis cette qualification, je veux aller sur l'étape supérieure, c'est me qualifier pour les championnats du monde Ironman, donc la distance complète, qui a lieu à Hawaï chaque année, qui d'ailleurs a lieu le week-end prochain là. Ah ouais, d'accord. Donc moi le but, ça serait de me qualifier pour la course qui aura lieu l'année prochaine. Ah ouais. Donc là on double les distances, 3 800 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Et quand tu vas arriver à Hawaï, que tu vas avoir que des champions là, tu vas te dire waouh, là c'est du haut level. Oui, il y a les champions, le champion olympique qui est présent, des athlètes de renommée internationale. Donc un gros programme pour cette année 2022 jusqu'en 2023 où là c'est la préparation, tu démarres. J'ai une course en Italie le week-end prochain. Ouais. C'est la dernière course de la saison pour me faire plaisir et profiter, on va dire. C'est bien, tu voyages au moins. Je vois beaucoup de pays, c'est intéressant. Ensuite, là, je vais avoir ma coupure annuelle de 3-4 semaines pour reposer le corps. Voilà. Il faut qu'il se repose un petit peu quand même. Oui, parce qu'on le soumet quand même à 2-3 burgers au passage. Ou des raclettes aussi. Je savais pas qu'ils pouvaient manger des raclettes les sportifs, moi, tu vois. Ici, il faut en profiter. C'est vrai qu'il y a avec moi qui pouvaient en bouffer. Il y a toi aussi alors. Voilà, et puis après, on reprendra la préparation en novembre progressivement avec peut-être un ou deux stages. Soit à l'étranger ou dans le sud de la France quand il fera beau, et puis après on va attaquer tout le cycle de compétition. Comment on pourra te suivre en 2023 là sur cette compétition? Il y aura un lien, il y aura quelque chose quand même. On va suivre ça de près quand même. Alors sur le format Ironman, il y a un live en fait qui est disponible sur internet où on peut suivre la course via des temps intermédiaires. On a notre puce à la cheville en fait qui nous chronomètre. Et on a des temps intermédiaires qui s'affichent. Et puis sur cette course là aussi, il y a une diffusion en live. Avec une retransmission télé ou au moins sur internet. T'as pas le dossard encore, tu l'as pas? Ah non. Je le saurai un mois avant ou peut-être. Ouais. Comme tu le disais, ton dossard de qualification, c'était le 474. Oui, c'est ça. C'était, comme tu disais, peut-être 4 heures, 7 minutes, 4 secondes, et t'as fait combien? J'ai fait un petit peu moins, j'ai fait 4 heures, 5 minutes et 52 secondes. T'étais presque dans le time. Oui, j'avais assez bien estimé en fonction du parcours, le temps que je mettrais. Comme quoi, le dossard, c'est un signe? Oui, c'était écrit. Je sais pas quel dossard tu auras en Finlande, mais j'espère qu'il va correspondre. Le numéro 1. Ah ouais, pourquoi pas. En tout cas, on te souhaite plein de choses, plein de belles choses surtout. Je vous remercie. En espérant que tu gravisses les étapes que tu as envie de franchir et bah tu reviens. Alors déjà tu reviendras nous voir avant le départ, ça c'est sûr. On va revenir en début d'année, hein. Tu reviendras nous voir pour nous expliquer ton départ, mais au retour aussi. Ah, y a aucun souci, hein, pour faire un petit débrief de cette expérience incroyable. Tu viens avec tes médailles, tout ça. Voilà, ça va être sympa en tout cas te recevoir sur Radio Arc-en-Ciel. On va te suivre, donc on peut te suivre sur Facebook. Oui, bah sur Facebook et voilà, donc aussi dans les médias locaux avec parfois au travers de certains articles. La REP, tout ça, ils te suivent. Oui, voilà, des performances qu'on peut faire sur certaines courses locales où je fais des petits podiums ou ce genre de choses. Quoi. Ouais, en tout cas bel exemple à suivre aujourd'hui, Thomas Rucheton. Vous pouvez le suivre sur Facebook, sur les médias locaux. Ça sera fin août 2023 en Finlande. Il va falloir être fort, le championnat du monde. En espérant que tu décroches la place number one. Oui, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Ah, moi je te le souhaite, moi je t'envoie que du bonheur en tous les cas. Thomas, un dernier mot à ajouter peut-être avant de conclure ce bel interview ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. Oui, faisant partie du club de la SPTT Orléans, tout le monde peut venir nous rejoindre au club, hein, y a aucun souci. Ah ouais, c'est bien, ça. Moi évidemment, je suis dans une pratique de compétition, mais qu'une personne qui souhaiterait venir pour le loisir, aucun souci. Donc, voilà. On peut prendre contact avec toi alors. Voilà, ou directement sur notre site internet. Hein, sur internet, on tape SPTT Orléans Triathlon et on tombe directement sur notre site et les contacts nécessaires. Et voilà, un champion est avec nous ce matin. Il s'est qualifié pour les championnats du monde. Ça va être en Finlande au mois d'août. On va te suivre, ça c'est sûr. Tu vas nous voir à la radio pour avant le départ et puis après la course. Ouais, le lendemain. Peut-être pas, non. Je rigole, Thomas, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous remercie d'avoir accueilli. Et tu reviens vite en début d'année, on parlera de ce départ justement pour la Finlande. Ok Thomas ? Très bien. Belle journée, c'est Thomas, je tourne l'interview en direct ce matin, 8h12, on vous souhaite une bonne matinée sur Radio Arc-en-Ciel avec Lucenzo qui arrive, ça c'est votre petit favori. Demain, on aura Batman qui sera dans les studios, le Batman, vous allez voir, grosse surprise. Loca pa' bailar. loca que vuela. Tiene una gana que no se congela. Se puso caliente, sacó las espuelas. Ya no vino sola, anda con su gemela. Quiere que le dé al ando y le voy a dar la to. Tiene un par de pretendientes, pero aquí el duro soy yo. Sabe que en Brasil a caserío le dicen papela. Ya ronca de feria, pero esta noche viene y se revela. Esta noche vino a ver que ella quiera pa' bajar. Hoy me la llevo en el jet a San Pablo, na, na, na. Esta noche vino a ver que ella quiera pa' bajar. Me la voy a llevar en el jet. Chérie, t'es fait tes valises, on a quitté le bendo. Personne ne m'a vu venir, non, je suis monté crescendo. Le point commun de mes ennemis, c'est la vue sur mon dos. Haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Ah, ah, ah, ah, loca pa' bailar. Pégate que atrás, tra, perreame tra, tra. Sabes que te prendo con mi tra, tra, tra, tra. Pégate que atrás, tra, perreame tra, tra. Sabes que te prendo con mi. Oh, oh, me demande pas ce que je fais. Je vois jamais ton nom s'afficher sur le bigo. Me demande pas ce que je fais. Je suis toujours en train de remplir les frigos. À la base c'était pas moi. À la base t'étais pas là. Je monte les prix comme Malboro. J'suis comme les mecs en Costa. Madame m'appelle, je réponds à. Vacances loin de Paname, on prend la fuite, on dépose des armes. Chemise ouverte sur le canapé, Bessamé. Chaque jour de la semaine, je veux toi, Bessamé. En portugais, en français, Lingala, Bessamé. Chaque jour de la semaine, je veux toi, Bessamé. En portugais, en français, Lingala. Dame un tarot, que apenas voy a empezar. Dame un tarot, que no voy a parar. Chica bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Ah, ah, ah, ah, loca pa' bailar. Yo estoy fácil. Ah, ah, ah, on s'arrêtera pas. Ah, ah, ah, no está pasión. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Chacun de mes paroles, erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me dois dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh tard, j'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Et sur la route, hein, sur la route du boulot ce matin, et en plus c'est lundi. Et le lundi, c'est vraiment casse-pied. Bah oui, c'est pas facile hein, d'aller au boulot le lundi après avoir passé un bon week-end. Et ben c'est pas grave. Vous êtes peut-être arrivé sur le chantier au boulot ce matin, ou là vous bossez pas comme Valou, comme Delphine aussi qui travaille pas. Bah voilà, le lundi aussi, il y en a qui bossent pas. Le meilleur souvenir, histoire de vous rappeler quelques bons moments de vacances avec Madonna dans les années 80. Et c'est Oh Lidl. Bon réveil, belle journée sur la Rancelle avec Francky. Taper le pas de danse avec Jean-Pierre. Ah bah oui. Je suis dans la glace moi à l'époque. Hein. en boîte, on dansait dans les glaces, non? C'est ça, là? Ah ouais, ouais, non, mais c'est vachement bien, t'arrives ici. T'as vu? Oh, le bon son comme ça. On envoie du lourd, hein. Ouais, moi je rigole pas, hein. Madonna, elle vient de partir, là, à l'instant, là. Ouais. Je l'ai croisée, elle a pas changé, d'ailleurs. Ah, hein. Si, elle a morflé, elle a fait. Tu rigoles, je l'ai vu il y a pas longtemps, là, sur internet, elle a fait de la chirurgie esthétique, là. Elle a gonflé un peu de la tête. Un petit peu. Sa fille, elle est pas mal, sa fille. Ouais. Ouais, elle est pas mal. Elle lui ressemble un peu, d'ailleurs. Hein. Ouais, elle va être comme sa mère. Exactement. Faire de la musique. Ouais. Elle a bien raison. Par contre, Madonna, elle a morflé. Hein. Non, sérieux. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Elle fait de la chirurgie esthétique, c'est dégueulasse. C'est non. De la liposuction. Ah, je sais pas ce que c'est, mais c'est dégueulasse. Hein. Faut que je te le dis, hein, Jean-Pierre. Ça va, Jean-Pierre? Là, et toi, mon Francky? Bah, ça me fait plaisir de te voir ce lundi matin, 8h45. Ben oui. J'ai reçu un champion du monde, là. Enfin, bientôt un champion du monde. Il n'est pas encore champion du monde, c'était un triathlète. C'est un triathlète, il s'est qualifié pour les championnats du monde de triathlète en Finlande en août 2023. Je peux te dire que le mec il rigole pas. Hein. Il est arrivé de Marseille en Villette en courant. Non, il est mieux envoyé. Oui. Je suis un peu mytho des fois le matin aussi. J'aime bien raconter des conneries. Non, parce que là je me disais, mec, wesh, il assure. Ouais. Il est parti à cheval. Il a gagné son cheval, il y a une écurie en bas de la radio. J'ai donné un peu de foin au cheval. J'ai filé une botte de foin. Comme quoi tu t'occupes de tout, c'est bien. Quand tu reçois tes invités, tu t'occupes de tout, c'est bien. T'as vu, je m'occupe de tout, il y a le café, il y a tout ici. Hein. Quand il y a du café, quand on me le pique pas. Voilà, ouais. Quand on lui laisse les dosettes. Si on pouvait arrêter de me piquer mon café à la radio, ça serait sympa. Laissez-lui son café. Bah non, mais mon placard il est ouvert, il n'y a pas de problème. Vous savez ce qu'on voit, mais remettez une dosette ou deux quand même. Hein, ouais, tu prends une dosette, t'en mets 10, c'est à peu. Ouais, parce qu'il y en a qui me le piquent, hein, sans les connaître, ça me... On va faire un sujet là-dessus d'ailleurs. Mais quoi? On en fera un sujet là-dessus. C'est ça, voilà. Plaisir de te voir, mon Jean-Pierre, ce matin. Oui. Ouais. Ça va, ça a été ton week-end? Ah ouais, bah comme d'hab, moi, tu sais, la boîte, le bar, voilà, ouais. La fête, quoi. C'est ce que c'est, hein. Bah oui. Toi, t'es dans l'animation aussi, donc. Ouais. Bah, j'arrive le matin de bonne heure ici. Et c'est chiant parce qu'ils font des travaux là en face, là. Je sais pas, il y a un bâtiment là, tu vois, à côté de la radio. On peut plus se garer de. Moi, je me garais devant, moi. Bah oui, ça t'évitait de marcher. Ah non, mais moi, j'aimais bien avoir ma place devant la radio, là. Donc, c'est chiant, quoi. Tu peux mettre, on peut taguer au sol, hein, Francky. Ouais, je le marre. Non, j'attends qu'il finisse ses travaux pour squatter ma place. T'as raison. Alors, disque à la demande, dédicace. Dédicace, il y a des petites annonces, pas d'emploi, ménage. Il y a du boulot ce matin, non? Oui, ménage. Il n'y a pas d'appartement à louer, une baraque à louer, il n'y a rien, non? Non, il y a un appartement à louer à Porto. Ah ouais, bah, je la connais, la Jeanne. Jeanne. Donc voilà. C'est sympa l'appart là-haut, franchement, il est bien. Et puis, je te conseille. Ouais, non, alors, il y a des appels pour cet appartement-là. Ah ouais, mais ouais, bien, hein. Après, il y a des offres d'emploi, ouais, D'emploi, plaquiste? En plaquiste. Ah ouais, d'accord, encore. En plaquiste, et puis, en ménage, auxiliaire ménage. De vie. Ah ouais, c'est bien, ça, ménage. Auxiliaire de vie. L'eau-ménage. L'eau-ménage. Et, auxiliaire de vie, c'est bien aussi, ça. Ouais. Donc, on peut trouver du boulot chez toi. Bien sûr. Dans ton émission, hein. Chez toi aussi. Non, bah, chez moi aussi, on peut trouver tout chez moi. Tout. Demain, j'aurai un invité, c'est, Batman. Enfin, Batman. Il fait Batman, il est à Vierzon. Ouais, il fait tous les cinémas, les machins. Et puis, il est multicasquette, le mec. Il s'appelle Arnaud Fermat. Il était déjà vu, tu te rappelles pas de lui? Non. Non. Ah, ouais. Moi, je l'ai connu, sur Internet. Ouais, il est passé à France 3, tout ça. Et, le mec, il met le costume de Batman. Hein. C'est pas le petit costume, hein, c'est la voix et tout, il a tout le mec. Hein. Ah ouais. Alors, c'est un fan des années 80, il fait plein de trucs demain, ça. Ouais, il vient de Vierzon le mec. Hein. Et demain il vient habiller en Batman. Ah je sais pas, non je pense pas quand même. À l'époque. Moi je l'avais rencontré à l'époque, j'étais déguisé en Superman et on s'était donné rendez-vous à Vierzon un matin. Moi je me rappelle, c'était quand j'étais sur notre radio ça. Mais c'était bien rigolo. Il est sympa en tout cas Arnaud. Et alors vous étiez rencontré où? Dans la rue? Ouais, à Vierzon. À 6h du matin, j'étais en Superman, c'était pour une émission radio, on faisait des cons dans la rue, et moi j'étais déguisé en Superman et lui était en Batman. Et au niveau des gens qui passaient, ah, ça se passait bien. D'accord. On a failli filer à l'hôpital psychiatrique tous les deux, mais ça se passe bien. Alors, il est sympa Arnaud, en tout cas, je suis content de le recevoir demain matin à la radio. Il vient de Vierzon le mec, imagine-toi, il vient faire de la radio. C'est bien, non mais c'est bien. C'est... Mais alors, je veux dire, c'est vrai que depuis quelques années que tu es là, ouais. Tu reçois des pléiades d'invités. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Les maires, les machins, ils peuvent venir. Politique, là, j'ai vu le maire de Rebréchien, là, ce week-end, là, je lui dis faut qu'il passe à la radio, hein, pour me parler de sa ville, hein, parce que Rebréchien, ça claque quand même. Non, c'est bien, parce que tu donnes la parole à tout le monde, voilà, donc c'est bah, ça. Des fois, il parle, je vais aux toilettes, hein, j'en ai pour un quart d'heure, il continue à parler, le mec, tu mets un mannequin à ma place et il se parle. Il me parle. Ah, faut bien décoller en 2025. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Sinon, le Covid, ça va Bah écoute, moi, ça va. Moi, non, ça va. Je l'ai jamais eu, en tout cas, moi. Ouais, j'ai eu, moi. Hein. Ah non, je suis passé à côté. Apparemment, ça monte un petit peu. On sait plus ce qu'il y a avec le Covid maintenant. Ça augmente. Choper d'autres conneries, mais. Il y a d'autres choses. Mais... Je pisse, non, non, non, non, non, non. Non, non, mais beaucoup plus grave. Mais, ouais, si bien tu... sûr. Ouais. Mais si tu veux, c'est. Mais non, pas ça. Ça, non, je suis passé à côté. Donc, oui, il va pas toi. Non, non, non, non. Le Covid, il passera pas par toi. Non. Bon, bah, ouais, qui est mon ami. Bon, bah, écoute, on va te retrouver dans moins de 10 minutes. Ok, ça marche. Disque la demande, on t'appelle 02-38-43-48-00, c'est ça? Oui, et puis les gens demandent la chanson qu'ils veulent entendre, et ça passe à l'antenne. Eh bah, si avec ça vous êtes pas gâtés, la famille. Sans déconner. Sans déconner, on est bien lotis. Bah Jean-Pierre arrive avec Vers Matin. Ça c'est un petit une petite intro que je vous ai préparée avec Willy William, DJ Assad, Alain Ramanissium. C'est l'île de la Réunion. Tu connais l'île de la Réunion? C'est chaud en ce moment. Je connais, ouais. Et bah c'est l'île tournée, la version tranquille au début, après ça accélère. Et là tu vois, ça j'adore, ça je kiffe. Et voilà, à tout de suite Jean-Pierre. À tout de suite. Shoulder park and pull over. In me, I got drive up the limousine. When you see the firm on the left with the new shape, you see a run with that spread all way. Then me swing the clutch and start feeling like a 10-power in the head. Yeah, I love beauty, but me like it. I'm a sick Lamborghini design it. So when you park it, make sure you recline it. Chef du colline, fini bam bam, par ce live, content tam tam, mettre la paille, ça va bien, ça va la la, la bina bla bla, goûtez goûtez, les bouts danser, dans tous côtés, les bouts tournés. Sur les go devant, sur les go derrière, les tournées, les tournées, ils mettent son corps devant, ils sont corps derrière, les tournées, les tournées, sur les go devant, sur les go derrière, les tournées, les tournées. Côté soleil, DJ Assad, Willy William, le réunionnais Alain Ramanissium, le tube de l'été 2012. À la vache, il y a 10 ans hein, quand même. Ah, ça passe. Hein. Belle journée à vous, Jean-Pierre qui arrive dans moins de 6 minutes. Je vous laisse avec James Blunt, Goodbye My Lover, sur la console 96.2 FM. Et ça, vous adorez. You down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell, I've been addicted to you. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me, remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child, I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. J'adore, j'adore cette chanson, j'adore le mec aussi, James Blunt. Goodbye my lover, goodbye my friends, goodbye mon ami. Au revoir mon ami. Ouais, c'est un pote à lui qui est décédé malheureusement il y a quelques années. Il lui avait fait un petite chanson sympatoche. Jean-Pierre qui arrive pour vous donner la bonne humeur. Et puis je vous retrouve demain matin, 7h-9h, avec Batman. Ah ouais, moi j'ai rêvé en Superman. À demain la famille, et rendez-vous 7h-9h, Francky dans la radio. Entreprise Olivade, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage.